Chéra. Et ce funeste honneur te plaît-il aux dépens de tout notre bonheur? Hélas, je vois trop bien qu'il faut, quoi que je fasse, mourir ou de douleur ou de la main d'Horace. Je vais comme au supplice à cet illustre emploi. Je maudis mille fois l'état qu'on fait de moi. Je hais cette valeur qui fait qu'Albe m'estime. Ma flamme au désespoir passe jusque au crime. Elle se prend au ciel et l'ose quereller. Je vous plains, je me plains, mais il y faut aller. Non, je te connais mieux. Tu veux que je te prie, et qu'ainsi mon pouvoir t'excuse à ta patrie. Tu n'es que trop fameux par tes autres exploits. Albe a reçu par eux tout ce que tu lui dois. Autre n'a mieux que toi soutenu cette guerre. Autre de plus de morts n'a couvert notre terre. Ton nom ne peut plus croître, il ne lui manque rien. Souffre qu'un autre ici puisse ennoblir le sien. Que je souffre à mes yeux qu'on saigne une autre tête, des lauriers immortels que la gloire m'apprête. Ou que tout mon pays reproche à ma vertu qu'il aurait triomphé si j'avais combattu, et que sous mon amour ma valeur endormie couronne tant d'exploits d'une telle infamie. Non, Albe, après l'honneur que j'ai reçu de toi, tu ne succomberas ni vaincras que par moi. Tu m'as commis ton sort, je t'en rendrai bon compte, et vivrai sans reproche, ou périrai sans honte. Quoi? Tu ne veux pas voir qu'ainsi tu me trahis? Avant que d'être à vous, je suis à mon pays. Mais te priver pour lui toi-même, d'un beau-frère, ta sœur, de son mari. Telle est notre misère. Le choix d'Albe et de Rome ôte toute douceur au nom jadis si doux de beau-frère et de sœur. Tu pourras donc, cruel, me présenter sa tête et demander ma main pour prix de ta conquête. Il n'y faut plus penser. En l'état où je suis, vous aimez sans espoir, c'est tout ce que je puis. Vous en pleurez, Camille. Il faut bien que je pleure. Mon insensible amant redonne que je meure. Et quand l'hymen pour nous allume son flambeau, il l'éteint de sa main pour m'ouvrir le tombeau. Ce cœur impitoyable à ma perte s'obstine et dit qu'il m'aime encore alors qu'il m'assassine. Que les pleurs d'une amante ont de puissants discours, et qu'un bel œil est fort avec un tel secours, que mon cœur s'attendrit à cette triste vue. Ma constance compterait la regret ses vertus. N'attaquez plus ma gloire avec tant de douleur, et laissez-moi sauver ma vertu de vos pleurs. Je sens qu'elle chancelle et défend mal la place. Plus je suis votre amant, moins je suis curiace. Faible d'avoir déjà combattu l'amitié, vaincrait-elle à la fois l'amour et la pitié? Allez, ne m'aimez plus, ne versez plus de larmes, ou j'oppose l'offense à de si fortes armes. Je me défendrai mieux contre votre courroux, et pour le mériter, je n'ai plus Dieu pour vous. Vengez-vous d'un ingrat, punissez un volage. Vous ne vous montrez point sensible à cet outrage. Je n'ai plus Dieu pour vous, vous en avez pour moi. En faut-il plus encore? Je renonce à ma foi. Rigoureuse vertu dont je suis la victime, ne peux-tu résister sans le secours d'un crime? Ne fais point d'autre crime, et j'atteste les dieux qu'au lieu de t'en haïr, je t'en aimerai mieux. Oui, je te chérirai tout ingrat et perfide, et cesse d'aspirer au nom de fratricide. Pourquoi suis-je romaine, ou que n'es-tu romain? Je te préparerai des lauriers de ma main, je t'encouragerai au lieu de te distraire, et je te traiterai comme j'ai fait mon frère. Hélas, j'étais aveugle en mes vœux aujourd'hui. J'en ai fait contre toi quand j'en ai fait pour lui.